Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 13. De la puissance de l'âme du Christ. L'âme du Christ n'avait pas la toute puissance absolue. Sa puissance, relativement à la transformation des créatures, relativement à son propre corps, relativement à sa propre volonté. 1. L'âme du Christ possédait-elle la toute puissance absolue? La toute puissance absolue est propre à Dieu, elle ne pouvait convenir à l'âme du Christ, qui est créée. D'ailleurs, la puissance active de tous les êtres étant en rapport avec leur nature, l'âme du Christ, qui n'est qu'une partie de la nature humaine, n'a pas pu posséder la toute-puissance d'une manière absolue. Note. Qui oserait dire, par exemple, qu'elle a pu se créer elle-même? Si la toute-puissance est attribuée à l'humanité du Christ par saint Ambroise, c'est en vertu de l'unité de personne, par laquelle l'homme est appelé Dieu. Fin de la note. 2. L'âme du Christ a-t-elle eu la toute puissance relativement à la transformation des créatures? Parle-t-on de l'âme du Christ considérée en elle-même? Elle avait le pouvoir de produire tous les effets qui sont du domaine de l'âme, ainsi diriger le corps, régler les actes volontaires, éclairer les âmes raisonnables d'une manière conforme à notre nature. Parle-t-on de l'âme du Christ comme instrument du Verbe divin? Elle avait la puissance d'opérer tous les effets miraculeux qui se rapportaient à la fin de l'incarnation, c'est-à-dire à la restauration de toutes choses dans le Christ. Elle n'avait pas celle de réduire les créatures au néant. Dieu seul, qui peut créer et conserver les êtres, a seul aussi le pouvoir de les anéantir. Concluons que l'âme du Christ n'avait pas la toute puissance relativement à la transformation des créatures. Note. Lorsque le Christ disait « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre », il parlait en vertu de cette unité de personne d'où il résulta que l'homme fut tout puissant comme il fut Dieu. Fin de la note. 3. L'âme du Christ a-t-elle eu la toute puissance relativement à son corps? Ces paroles que nous lisons dans saint Paul, il a dû être en tout semblable à ses frères, Hébreux 2, 17, s'appliquent principalement à la constitution de l'homme. De même que l'âme du Christ n'avait pas, par sa vertu propre, la puissance d'imprimer aux corps étrangers un mouvement contraire aux lois ordinaires de la nature, elle n'avait pas non plus celle de faire subir aux siens de semblables modifications. Comme instrument du Verbe, auquel elle était unie dans l'unité de personne, elle commandait à toutes les facultés de son propre corps, mais, les actions devant être attribuées à l'agent principal plutôt qu'à l'instrument dont il se sert, la toute-puissance revenait moins à elle qu'au Verbe lui-même. 4. L'âme du Christ avait-elle la toute-puissance pour faire exécuter sa volonté? Tout ce que l'âme du Christ voulait accomplir elle-même, elle le pouvait, car sa sagesse ne permettait pas qu'elle voulût faire par elle-même ce qui n'était pas en son pouvoir. Les choses qu'elle voulait être accomplies par la puissance divine, par exemple, la résurrection de son propre corps et les autres œuvres miraculeuses du même genre, elle pouvait aussi les réaliser, comme instrument de la divinité, mais non par sa propre puissance. Note. La défense que faisait le Christ de publier ses prodiges exprimait sa volonté de fuir les honneurs, afin de nous apprendre à cacher nos vertus, conformément à ce qu'il disait ailleurs, « Je ne cherche point ma gloire. » Jean 8, 50. Sa volonté absolue ne s'opposait pas à ce que ses miracles fussent rendus publics pour le bien qui pouvait en résulter. Quand il priait, Il nous faisait entendre que les puissances et les opérations de son âme étaient sous la dépendance de Dieu, qui opère en nous le vouloir et le faire, comme parle l'apôtre, Philippiens 2, 13. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.